Tu as des flingues? En vérité, la vertu se fait rare. Mes frères se tuent à cause de ce putain de dollar. On a tous hérité du statut de dealer, de voleur, de dollar. Tout comme mon pote killer, moi je suis qu'un zonard. Très gare, et c'est pas avec mes textes ou ma gueule que j'aurai un Oscar. Vu que je suis qu'un barbare, barbeur, parfois barbu. Squatteur de barbeur, fumeur d'obus. Et quand j'ai trop bu, dans ma rue je fous la merde. Et gerbe sous cette police en herbe. Tu connais le proverbe PD. Interdit, c'est de se faire péter chaque été. Les maths de l'État veulent nous voir en prison au lieu de nous voir sur la côte à raqueter. Dans ma communauté, c'est des jeunes de quartier. On a tous été menottés, insultés par un brigadier, éradiés par la NPE. Alors tu comprends pourquoi j'ai tant de haine envers ces pouilleux qui veulent me voir clochard. Alors je lance les dés et déclare la guerre, des guerres comme César. Certains nous trouvent bizarre quand on sort les armes en cas de lézard. On cause le drame sur le boulevard, puis ça bouleverse la ville et le maire. Alors on esquive en passant une semaine chez les putes d'Anvers. Frère, dans ma sup, ça fait hop hop. Assassin dans la police. Nous on crache pas dans la soupe, donc on crache pas sur le cannabis. C'est notre bise, quoi qu'on dise. Il paraît qu'on traumatise la population quand on dit que la France est une salope pleine de mauvaise attention. Attention, y'a trop de répression, peu de prévention, trop de prison pour ma génération. Sous pression, montré du doigt par la presse. Laisse, ils croient savoir ce que c'est qu'une vitesse. Les concepts chez nous, on les respecte, mais on jette des cailloux sur les terrains spectres. Boum, boum. Dans mon ghetto, c'est pas la bombe de Sophie Marceau. La vie nous défie chaque jour et ça depuis le berceau. Je finirai pas en morceaux, accroché à leur lasso. Facho, bouge de là comme t'as dit Larso. Ou va niquer ta mère comme te le dit L.I.M. J'en place une pour tous les taudis, maudits, les HLM, glo. J'ai le Glock pour les masses, top. La coque pour ce but de mascotte. Et comme mon pote, pote, ça me botte de mettre des carottes ou fiottes. Chiotte, v'là les coyotes. Évasion de 3 détenus qui sont partis par hélicoptère de Nice-Sébastien. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les circonstances de cette fuite? Oui, alors tout s'est passé à l'heure de la promenade en milieu d'après-midi. L'hélicoptère est arrivé, il s'est posé dans la cour de promenade, 3 détenus ont embarqué et il a aussitôt redécollé. Tout s'est passé très vite, très vite, très vite, très vite.